Chapitre 65. Olivier Raymond, déjà très surpris de la présence du baron de La Roche-Aigu, devint presque inquiet en l'entendant dire à l'assemblée. « Je demande à présenter quelques observations à l'honorable assistance avant la lecture des deux contrats qu'elle se prépare à entendre. » « Monsieur le baron de La Roche-Aigu a la parole, » reprit monsieur de Maillefort en souriant. Encore une fois, qu'est-ce que ce diable d'homme vient donc faire et dire ici ? Reprit tout bas à Gérald. Je n'en sais, ma foi, rien, mon bon Olivier, répondit le duc de Sainte-Terre de l'air du monde le plus candide. Écoutons, nous le saurons. Le baron toussa, glissa la main gauche sous le revers de son habit et dit de sa voix la plus grave : Au nom des intérêts qui me sont confiés, je prie monsieur Olivier Raymond de vouloir bien répondre à quelques questions que je me permettrai de lui adresser. « Je suis à vos ordres, monsieur, » reprit Olivier de plus en plus surpris. « J'aurai donc l'honneur de demander à monsieur Olivier Raymond, si je ne lui ai pas proposé, en ma qualité de tuteur de mademoiselle de Beauménil, ayant pouvoir et mission de faire cette proposition, si je ne lui ai pas proposé, dis-je, la main de ma pupille mademoiselle de Beauménil. » À ces mots, Ernestine échangea un regard significatif avec monsieur de Maillefort. « Monsieur, » répondit Olivier au baron en rougissant, aussi contrarié qu'embarrassé de cette interpellation à lui faite devant plusieurs personnes qu'il ne connaissait pas. « Je ne comprends ni la nécessité ni l'opportunité de la question que vous m'adressez. Je suis donc obligé de faire appel à la loyauté, à la sincérité, à la franchise bien connue de l'honorable assistant, » reprit solennellement le baron, « et de la durée de répondre à cette question, lui ai-je proposé oui ou non ?» la main de ma pupille, mademoiselle de Beauménil. Eh bien, oui, monsieur, dit Olivier avec impatience, cela est vrai. Monsieur Olivier Raymond, reprit le baron, n'a-t-il pas refusé nettement, catégoriquement, positivement cette proposition? Oui, monsieur. L'honorable assistant ne m'a-t-il pas donné pour raison de son refus un engagement de cœur et d'honneur pris précédemment et qui devait, disait-il, assurer le bonheur de sa vie? « Ne sont-ce pas là les propres paroles de l'honorable assistant ?»« Il est vrai, monsieur, et grâce à Dieu, ce qui était alors pour moi la plus chère des espérances va devenir aujourd'hui une réalité, » ajouta le jeune homme en regardant Ernestine. « Un tel désintéressement est vraiment inouï, » dit à demi-voix la duchesse de Sainte-Terre à sa fille. « C'est la fréquentation de ces gens-là qui a gâté notre pauvre Gérald. » Mademoiselle de Sainte-Terre baissa les yeux et n'osa pas répondre à sa mère qui reprit « Mais je n'y comprends plus rien. Puisque cet héroïque monsieur refuse mademoiselle de Beauménil, que vient-elle faire ici, et son imbécile de tuteur aussi, je m'y perds. Attendons. » Ernestine, malgré la joie et la fierté que lui causait cette espèce de publicité donnée à la noble conduite d'Olivier, n'était cependant pas encore absolument rassurée au sujet des scrupules qu'il pouvait ressentir en apprenant que la petite brodeuse était mademoiselle de Beauménil. « Je n'ai plus qu'à remercier monsieur Olivier Raymond de la loyauté de ses réponses, » dit le baron en se rasseyant. « Et l'honorable assistance voudra bien prendre acte des nobles paroles de mon interlocuteur. » « Pourquoi diable ce gaillard à longues dents et qui est aussi important qu'un Suisse de cathédrale vient-il de débiter ces phrases ?» demanda tout bas le commandant Bernard à Olivier et à Gérald. « Je n'y comprends rien, mon oncle. Je suis comme vous très étonné que ce monsieur vienne rappeler ici à ce moment la proposition que l'on m'a faite. Cela ne peut avoir d'autre inconvénient, répondit Gérald en souriant, que de rendre ta chère Ernestine encore plus éprise de toi en apprenant que tu as sacrifié à ton amour pour elle. Et c'est justement l'espèce de retentissement donné à une action si simple qui me contrarie beaucoup, reprit Olivier. Et tu as raison, mon enfant, ajouta le vieux marin. On fait ces choses-là pour soi et pas pour les autres. Puis, s'adressant au duc de Sainte-Terre, « Dis donc, monsieur Gérald, ce brave petit bossu qui est à côté du notaire est le marquis dont vous m'avez parlé, n'est-ce pas ?»« Oui, mon commandant. C'est drôle, il a parfois l'air malin comme un singe et parfois bon comme un enfant. Voyez maintenant avec quelle douceur il regarde mademoiselle Herminie. »« Monsieur de Maillefort est un cœur comme le vôtre, mon commandant, c'est tout dire. »« Silence, Gérald, » dit tout bas Olivier. « Le notaire se lève, il va lire ton contrat. »« C'est pour la forme, » dit Gérald. Car au fond, peu importe ce contrat, les véritables conditions de notre amour, nous les avons réglées de cœur à cœur avec Herminie. Le mouvement d'attention et de curiosité excité par l'interpellation de M. de La Roche-Aigu étant calmé, le notaire commença la lecture des contrats de mariage d'Herminie et de Gérald. Lorsqu'après les préliminaires d'usage, le garde-note arriva à l'énonciation des noms, prénoms et qualités des époux, M. de Maillefort lui dit en souriant et d'un air d'intelligence « Monsieur, passons, passons, si vous le voulez bien, nous savons les noms et arrivons au point important, au règlement des questions d'intérêt entre les deux époux. » « Soit, monsieur le marquis, répondit le notaire, et il continua. Il est convenu par le présent contrat que les 10 époux sont et seront séparés de biens quant à ceux qu'ils possèdent ou qu'ils pourraient posséder un jour. « C'est vous, ma chère enfant, dit le marquis à Herminie en interrompant le notaire, qui, lorsque je vous expliquais hier les différents modes qui régissaient les questions d'intérêt entre les époux, avait insisté pour que la séparation de biens eût lieu. Et cela par un sentiment d'extrême délicatesse, car, ne possédant rien que le beau talent dont vous avez si honorablement vécu jusqu'ici, vous avez absolument refusé la communauté de biens et les avantages que M. de Senneterre eût été si désireux de vous voir accepter. » Herminie baissa les yeux en rougissant et répondit « Je suis presque certaine, monsieur, que M. de Senneterre excusera et comprendra mon refus. » Gérald s'inclina respectueusement, tandis que Berthe, sa jolie sœur, disait tout bas à sa mère. Comme les sentiments de Mademoiselle Herminie sont bien d'accord avec sa charmante figure, si noble, si distinguée, n'est-ce pas, maman ? Certainement, certainement, répondit Madame de Senneterre avec distraction, car elle se disait à part soi. Avec ces belles délicatesses-là, ma belle-fille, ignorant que le marquis l'avantage énormément, n'en sera pas moins séparée de bien avec mon fils. Mais bah, elle l'aime tant que lorsqu'elle se sera riche, elle reviendra sur cette disposition. » Le notaire poursuivit. Il est convenu et entendu que les enfants mâles qui pourront naître du dit mariage joindront eux et leurs descendants à leur nom de Senneterre celui de Haumartel. Cette clause a été consentie par les 10 époux à la demande de Louis-Auguste, marquis de Maillefort, prince-duc de Haumartel. Herminie ayant fait un mouvement de surprise, le bossu lui dit, en regardant Gérald, « Ma chère enfant, ceci est un petit arrangement de vanité nobiliaire auquel Gérald a donné son approbation, certain que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que votre fils porte, joint à son illustre nom, le nom d'un homme qui vous regarde et qui vous aime comme sa fille. » Un touchant regard d'Herminie, empreint de reconnaissance et de respectueuse tendresse, répondit au bossu qui dit au notaire « Cet article est le dernier du contrat ?»« Oui, monsieur le marquis. » « Nous pouvons lire maintenant le contrat de Mademoiselle Ernestine, » reprit le bossu. « L'on signerait ensuite les deux contrats. »« Certainement, monsieur le marquis, » répondit le notaire. « À notre tour, mon garçon, » dit tout bas le commandant Bernard à son neveu. « Quel dommage de ne pouvoir mettre dans ce contrat que je vous donne à cette chère enfant et à toi une bonne petite fortune. Mais hélas, mon pauvre ami, » ajouta le vieux marin d'un air à la fois souriant et attristé, tout ce que je vous laisserai jamais après moi, ce sera la bonne vieille maman Barbançon. Merci du cadeau de noces, n'est-ce pas? Allons, mon oncle, pas de ces idées-là. Et dire que nous sommes trop pauvres pour lui offrir à cette chère Ernestine le moindre petit présent de fiançailles. J'avais pensé à vendre nos 6 couverts en argent, mais madame Barbançon n'a pas voulu, disant que ta femme aimerait mieux un peu d'argenterie que des affiquets. Et madame Barbançon avait bien raison, mon oncle, mais silence, écoutez. En effet, le notaire, prenant le second contrat, dit tout haut « Nous allons passer les noms ?»« Passez, passez, » dit le marquis. « J'arrive au seul et unique article concernant le règlement des questions d'intérêt entre les deux époux. »« Ça ne sera pas long, » dit tout bas le commandant Bernard. « Monsieur, » reprit Olivier en souriant, « permettez-moi de vous interrompre. Cet article du contrat me paraît superflu car j'ai eu l'honneur de vous le dire hier. Je ne possède rien que mon traitement de sous-lieutenant. » Et Mademoiselle Ernestine Verpuis ne possède rien non plus que son état de brodeuse. Cela est vrai, monsieur, reprit le notaire en souriant à son tour. Mais cependant, comme il faut se marier sous un régime quelconque, j'ai cru pouvoir adopter celui dont je vous parle, parce qu'il est le plus simple, et insérer au contrat que vous vous mariez en communauté de biens avec Mademoiselle Ernestine Verpuis. Alors il eût été plus régulier de dire que nous nous marions en communauté de non-biens, reprit gaiement Olivier. « Mais c'est égal, puisque c'est l'usage, nous acceptons la clause, n'est-ce pas, mademoiselle Ernestine ?»« Certainement, monsieur Olivier, » reprit mademoiselle de Beauménil. Allons, monsieur le notaire, reprit le jeune homme en riant, c'est entendu. Moi et mademoiselle Ernestine, nous mettons tous nos biens en commun, tous, sans exception, depuis mon épaulette de sous-lieutenant jusqu'à son aiguille de brodeuse, donation complète mutuelle. Il n'y aura pas de difficulté pour le partage, dit tout bas le commandant Bernard en soupirant. Ah, je n'ai jamais eu envie d'être riche, si ce n'est aujourd'hui. Il est donc entendu que l'article relatif à la communauté de biens subsiste au contrat, reprit le notaire. Je poursuis. Les 10 époux se marient sous le régime de la communauté de biens et se font une donation mutuelle et complète de tous les biens mobiliers, immobiliers et autres valeurs quelconques qu'ils pourraient posséder un jour de leur chef ou par héritage. Des héritages, pauvres enfants, ma croix et ma vieille épée, voilà ce qu'ils ont à attendre de moi, monsieur Gérald, dit tout bas le vétéran au duc de Sainte-Terre. Bon, mon commandant, reprit gaiement Gérald, qui sait? Pendant que le vieux marin, ne partageant pas l'espérance de Gérald, secouait mélancoliquement la tête, le notaire reprit, en s'adressant à Ernestine et à Olivier. Cette rédaction vous paraît convenable, mademoiselle, et à vous aussi, monsieur? Je suis d'avance de l'avis de monsieur Olivier à ce sujet, dit mademoiselle de Beauménil. Je trouve la rédaction parfaite, monsieur le notaire, dit Olivier toujours gaiement, et je vous certifie que de votre vie vous n'aurez inséré dans un contrat une clause moins sujette à contestation que celle-là. Maintenant, reprit gravement le notaire en se levant, nous allons procéder à la signature des contrats. Madame de Sainte-Terre, ayant profité de ce mouvement général, s'approcha de monsieur de la Roche-Aigu et lui dit, sortant à peine de sa stupeur, « Ah ça, mon cher baron, pourriez-vous me dire ce que cela signifie ? Quoi donc, madame la duchesse ? L'imbroglio qui se joue ici ?»« Madame la duchesse, cet imbroglio a failli me rendre fou. »« Mais ce monsieur Olivier croit donc que mademoiselle de Beauménil est brodeuse ?»« Oui, madame la duchesse. »« Mais comment vous a-t-il refusé la proposition que vous lui avez faite ?»« Parce qu'il en aimait une autre, madame la duchesse. »« Quelle autre ? Ma pupille. »« Quelle pupille ? Mademoiselle de Beauménil. » répondit le baron avec une joie féroce et ravi de rendre à autrui la torture que lui avait fait subir le marquis. « Monsieur le baron, reprit arrogamment la duchesse de Sainte-Terre, en toisant monsieur de la Roche-Aigu, est-ce que vous prétendez vous moquer de moi ? Madame la duchesse ne peut pas présumer que je sois capable de m'oublier à ce point. Mais alors, monsieur, que signifie cet imbroglio ? Encore une fois, comment se fait-il que monsieur Olivier viendrait répéter ici qu'il a refusé la main de mademoiselle de Beauménil et que cependant il soit prêt à signer son contrat de mariage avec elle. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce roman de mademoiselle de Beauménil, brodeuse ? Madame la duchesse, j'ai promis le secret à monsieur de Maillefort. Veuillez vous adresser à lui, il n'a pas son pareil pour dire le mot des énigmes. Madame de Sainte-Terre, désespérant de rien apprendre du baron, s'approcha de monsieur de Maillefort et lui dit « Eh bien, marquis, saurai-je à la fin ?» « Dans 5 minutes, ma chère duchesse, vous allez tout apprendre, » répondit le bossu. Et il alla dire quelques derniers mots à l'oreille du notaire.